Chapitre 5e. Événement à l'opéra. Le soir de ce même jour, il y avait foule à l'opéra. On était en juin, à la veille du Grand Prix, époque où le troupeau parisien se congrège avec d'autant plus de plaisir qu'il est menacé d'une dispersion prochaine. Le rideau se levait sur le second acte de la Valkyrie. Au fond des loges qui se garnissaient lentement, les manteaux glissaient des épaules. Les jeunes femmes rassemblaient leur grâce. Elles avançaient dans la zone de lumière comme les vieux soldats avancent dans la zone de feu. Même des involtures un peu surveillées des mouvements, même des filles tranquilles dans l'offrande des poitrines aux jumelles braquées sur la nouvelle arrivée, telles des carabines sur le peloton qui entre en ligne. La guirlande de bustes et de parures achevait de se nouer sur tout le pourtour des premières loges. Un bourdonnement de papotage s'en échappait, demandes aux réponses distraites de personnes dont l'attention est ailleurs, dans toutes les parties de la salle qu'elles examinent et d'où elles se savent examiner. Très peu de regards se dirigeaient vers la scène. D'un premier coup d'œil circulaire, chaque abonné se renseignait sur la composition du vaste amphithéâtre où elle venait livrer sa bataille hebdomadaire. Bataille qui met aux prises dans cette arène toutes les vanités des gladiateurs mondains, toute leur rivalité de rang social, de richesse, de beauté, de galanterie, de toilette. Quelques-uns prenaient un air capable, se donnaient la gloire d'écouter l'argumentation de Fricat et de Vautan qui philosophaient sur l'inteste dans les rochers. Il semblait que toute la vie réelle se fût réfugiée dans ce lointain de la scène, entre les deux personnages sérieux, appliqués à ce qu'ils faisaient, naturels dans leurs cris de passion. Et que la feinte théâtrale commença de l'autre côté de la rampe, avec la vie conventionnelle de la plupart des spectateurs. Figurants qui jouaient un rôle, composaient leurs visages et leurs discours, cachaient sous le sourire d'uniforme les préoccupations à portée du logis, les soucis d'affaires, de carrière, de famille, les affres d'une gêne pécuniaire ou d'un drame intime. Ce soir-là, plus que jamais, le spectacle était dans la salle. Trois événements y retenaient les regards des habitués et défrayaient leurs commentaires. Le premier était considérable. Rose Esther, la grande tragédienne des Français, prenait officiellement possession de la loge des premières qu'elle avait enfin conquise par des prodiges de stratégie. Gain d'une partie difficile, sur laquelle des paris étaient engagés depuis longtemps. Jusqu'à ce jour, les personnes de sa condition s'étaient contentées des baignoires. Le protocole mystérieux qui règle les bienséances à l'Académie nationale de musique ne leur permettait pas d'aspirer à un abonnement dans les premières loges. Lorsque le krach des métaux eut obligé le comte à Barbanel à résigner la sienne, Rose Esther se mit en tête de lui succéder. Cette femme de génie comprenait l'importance d'un triomphe social qui la classerait définitivement, qui affermirait sous sa bonne ville de Paris le pouvoir intellectuel et politique dont elle étendait chaque jour les prises. La tragédienne mobilisa un ministre, deux anciens directeurs des Beaux-Arts, une douzaine de députés, le banc et l'arrière-ban des auteurs dramatiques. On jeta les hauts cris rue de Valois. On n'y eut pas fait plus belle résistance pour une refonte du décret de Messidor. La lutte fut rude et se termina par une transaction. L'abonnement était consenti au nom de Napoléon Bayonne, le riche directeur de la banque Nathan et Salcedo, l'oncle paternel de Rose Esther. En fait, celle-ci restait la véritable titulaire du fief envié qu'elle inaugurait ce jour-là. On ne parlait pas d'autre chose à l'orchestre et dans les loges. Les vieux abonnés levaient les bras au ciel, se récriaient contre le scandale, déclaraient que c'était la fin de tout. Comme le faisait observer avec raison un académicien des sciences morales, l'histoire des mœurs n'avait pas enregistré depuis 30 ans un symptôme plus significatif. Des douairières indignées menaçaient de résilier leur abonnement. Les jeunes gens applaudissaient à ce coup d'audace avec la complaisance habituelle qu'ils ont pour toutes les démolitions du passé. Les sceptiques concluaient. C'était fatal. Les Rastas ont remplacé dans une bonne moitié des loges la société française, qui n'a plus le sou. Nos grands artistes vont disputer les autres aux Rastas. Avant 10 ans, nous y verrons des demoiselles de café-concert, et la machine ronde n'en continuera pas moins de tourner. Indifférente en apparence à l'émoi que sa présence soulevait, Rose Esther avait soigné la mise en scène de son triomphe avec l'art consommé qui faisait de chacune de ses actions un petit chef-d'œuvre. Elle portait une robe d'une élégance sobre, décolletée sans pruderie, sans générosité excessive. Elle avait judicieusement choisi l'invité assise à ses côtés, personne mûre, agréable encore, d'une réputation intacte. honorablement connue dans le monde des arts par son talent de musicienne et bien accueillie dans les meilleures sociétés. Derrière ces dames, des figures officielles se profilaient dans la pénombre. L'oncle Napoléon Bayonne, le sympathique banquier Aristide Acerme, l'ancien sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, son collègue Pélussin, qui avait rempli la même charge aux colonies. Le vicomte de Félines, député de la droite ralliée, relevait d'une note mondaine ce qu'il y aurait eu d'inélégant dans la composition de la loge si la couleur politique y eût été trop prononcée. Il était écrit que tout réussirait à l'heureuse sociétaire. Vers la fin du premier acte, la loge s'enrichit d'un joyau de prix. Pélussin y introduisit une nouvelle recrue qui n'était rien de moins que le héros africain, le capitaine de Tournoël. L'apparition dans la salle du glorieux officier, précisément à la place d'où les regards ne pouvaient se détacher, fut le second événement de cette soirée mémorable. Pélussin était un de ces coloniaux qui couvraient Tournoël d'une protection bruyante et inefficace. Comme il est de règle, l'ex-sous-secrétaire d'État aux colonies ne trouvait pas de terme assez sévère pour qualifier la pusillanimité de ses successeurs. Il avait lui-même dirigé ce département avec une mollesse proverbiale. Maintenant, si on l'eût écouté, on n'aurait fait qu'une bouchée de l'Afrique, et nul ne se montrait plus indigné des avanies qu'ils infligeaient à l'héroïque disgracié. Pélussin venait de dîner avec Tournoël sur le boulevard. Il lui avait proposé de le conduire à l'opéra. Il l'avait mené tout droit dans la loge de Rose Esther. Le politicien madré comptait bien que l'actrice lui saurait gré de cette prévenance. Elle adressa quelques paroles gracieuses à l'officier, de l'air du monde le plus naturel. Surveillée par des centaines d'yeux, la tragédienne n'oubliait point qu'elle était en scène. Or, il convenait d'affecter une indifférence élégante pour le grand honneur qu'elle recevait d'une visite si flatteuse. Il fallait jouer négligemment avec l'aigrette de diamants qu'elle venait d'épingler, faire à croire à toute la salle que le visiteur de hasard était une conquête assurée, tout au moins un de ses intimes pour qui on ne se met plus en frais. Cette tactique savante faillit passer inaperçue. Un nouvel objet sollicitait les curiosités. Les lorgnettes se détournaient de leur point de mire pour fouiller une des grandes loges entre colonnes restées vides jusqu'à cet instant. M. Archibald Robinson y entrait au bras de sa compatriote, la duchesse de Jossé-Lovrain. Troisième événement. Ce n'est point parmi les habitués de l'opéra qu'il faut chercher le mépris des biens terrestres. L'entrée d'un grand souverain eût produit sur eux moins d'impression. La personne de l'archimilliardaire Robinson agit comme une pierre d'aimant sur tous les regards qu'elle attira. « Oh oh !» fit Olivier de Félines. « Voici Sa Majesté le maître de la mer avec notre bonne duchesse Peg. Elle ne lâche plus sa gloire nationale. Pour un peu, elle l'installerait sur la colonne Vendôme. Qui donc lui a-t-elle servi ce soir ?» Avec une complaisance où il affichait sa supériorité sur Acerme et Pélussin, moins bien instruit à reconnaître les personnalités mondaines, Féline énuméra celles qui prenaient place dans la loge entre colonnes. « Louise de Banleuse, naturellement. C'est ça qui donnera cet Américain une fière idée de la femme française. La vieille Pierre Sainte avec sa grande fille. S'imagine-t-elle que le milliardaire va épouser son échalas ? Les hommes, Lovrain, Banleuse, l'amiral, quelques gigolos. Mais qui est donc la femme en toilette sombre assise dans le coin à gauche ? Ah, parbleu ! Madame Fianona, la perle qu'il a pêchée dans une de ses mers. » Peg devait bien cela à son invité. Regardez donc, cher ami, comme elle est insignifiante. Quand on pense que ce gaillard pourrait s'offrir toutes les odalisques du grand turc, il se contente de peu. Ne croyez donc pas à toutes ces histoires, des potins de paquebot et pas autre chose, interrompit Napoléon Bayonne. Le banquier revenait d'un voyage aux États-Unis où il était allé négocier une grosse affaire. Il poursuivit avec l'insistance qui rendait toujours ses digressions un peu lourdes. Je me suis documenté là-bas sur le Robinson. Je n'ai pas eu de peine. Il ne parle que du mégathérium de la spéculation, comme ils l'appellent dans leur baragouin yankee. Bayonne, calculateur de premier ordre, était un médiocre humaniste. Il aventurait des assertions affligeantes. C'est un personnage assez déconcertant pour nos idées. Nul ne sait le fin mot des énormes affaires qu'il brasse. Nul ne pourrait dire le chiffre approximatif d'une fortune qu'il ne connaît pas lui-même. L'imagination populaire lui fait cadeau d'1 milliard de dollars. Elle se complaît dans ce chiffre fantastique. C'est comme si l'on disait du président de sa République qu'il possède 80 millions de sujets, parce qu'un mot du premier magistrat peut mettre en mouvement ce grand nombre de citoyens fédérés. La vérité vraie est assez coquette. Grâce à l'ascendant qu'il a su prendre sur tous ses associés, Robinson dirige un autocrate des groupements de capitaux qui eussent paru fabuleux il y a quelques années. Et rien n'empêche d'évaluer théoriquement à 5 milliards de francs, somme pratiquement irréalisable, le crédit pour ainsi dire illimité que ce souverain industriel trouverait dans les diverses banques des deux mondes. On n'aperçoit pas toujours clairement le dessein qui le guide dans ses entreprises. Certaines seraient inexplicables s'il ne se proposait que de gagner plus d'argent. Quel est alors son but ? Mystère. Un médecin de Boston me disait qu'il y a de la monomanie dans le cas de cet homme. Voilà bien nos médecins, s'écria Féline. Pour eux, Napoléon aussi était un monomane. Monomane tous les grands joueurs. Et vous des premiers, Bayonne, quand vous vous excitez sur votre poker. S'il y a des dessous obscurs dans les affaires d'Archibald Robinson, continua le banquier, il n'y en a pas dans sa vie privée. Elle est au grand jour, connue de tout New York. Il avait épousé de bonne heure une femme de condition et de goût modeste, qu'il a tenue longtemps dans une étroite sujétion. Cette puritaine appartenait à l'une des sectes les plus rigoristes des États. Mrs. Robinson gouvernait son intérieur comme Archibald ses usines, despotiquement. En pénitence, le Richard écrasait le travail s'il arrivait au premier déjeuner avec un quart d'heure de retard après la prière dite à haute voix. On ne lui rapportait pas de muffins, il devait avaler son thé froid. Voulait-il un verre de Bordeaux avec un ami, on le priait d'aller au bar. Il n'eût pas osé enfreindre dans sa maison les prohibitions de la société de tempérance. Archibald lui-même passe pour piétiste. Il est un des piliers de son église. Le pilier d'argent ? Interrompit Féline. Oui, et il subventionne libéralement les sociétés de culture morale. Mrs. Robinson mourut il y a quelques années. Ce fut pour lui un coup terrible. À ce moment, sa fièvre de spéculation redoubla. On eût dit qu'il voulait étourdir son chagrin en accumulant les opérations gigantesques. Cependant, à la fin de son deuil, il commença de rechercher les sociétés mondaines. Est-ce besoin de détente chez ce bourreau de travail après les journées de tension forcenée ? Fringales de raffinement et de luxe, qui aurait mordu sur le tard ce rude enfant du peuple ? Toujours est-il qu'on le vit prendre ses habitudes dans les salons élégants de New York et de Newport, assidus de préférence chez les beautés professionnelles, comme ils disent. Robinson se montre à leur fête, il les emmène volontiers en croisière sur son yacht. Dans cette galante compagnie, il se dérobe durant quelques jours aux dures servitudes de son empire industriel. Snobisme, aspirations esthétiques, goût naturel d'un conquérant parvenu pour les cours brillantes où il est adulé. En tout cas, il paraît certain qu'Archibald ne cherche dans ses réunions d'autre plaisir que celui du riche amateur, qui se promène dans un parterre de fleurs et respire les roses sans les cueillir. Il est dans le monde tel que vous le voyez ce soir sur l'accoudoir de cette loge, se divertissant à un spectacle aimable qui n'a rien de commun avec sa vie réelle, goûtant des jouissances superficielles qui n'entament pas sa puissante concentration de pensée. Vous supposez bien que plus d'une a essayé de le troubler. De belles bluffeuses se sont vantées d'y avoir réussi. Mais au témoignage unanime de ceux qui connaissent le mieux Robinson, il n'y a rien, rien. Le diable a toujours perdu ses peines avec lui. « Ta, ta, ta !» ricana Féline. « Nous sommes informés, nous aussi. Un de mes amis, secrétaire de notre légation au Brésil, revenait sur le paquebot allemand où s'est faite la conjonction de Robinson et de Madame Fianona. Le roman a marché vite. En arrivant à Cherbourg, nul ne doutait qu'il n'eût sa conclusion naturelle. » Rosester menaça le député du bout de son éventail. « De grâce, mon cher Féline, laissez-nous écouter, Mademoiselle Bréval. Vous médirez ou vous calomnierez après. » Tournoel avait recueilli les paroles du banquier avec un intérêt où entrait un peu d'agacement. Et quoi, il n'échapperait nulle part à l'obsession de l'encombrant personnage qu'il poursuivait, qu'il enveloppait depuis le matin. Après les agitations de cette journée, il éprouvait le besoin de se retrouver seul pour débrouiller les idées qui s'entrechoquaient dans son cerveau. Il se sentait d'ailleurs un peu gêné dans cette loge où l'avait fourré Pélussin, un paroissien qui ne lui inspirait qu'une confiance limitée. Trop novice aux choses parisiennes, pour deviner qu'on lui faisait tenir un emploi dans une pièce de la comédie sociale, son instinct lui conseillait pourtant de s'évader d'une souricière où mieux eût valu qu'il ne fût pas. Au baisser du rideau, il se leva, gagna la porte. Rose Esther le rappela. « Vos admirateurs m'en voudraient de vous accaparer, » dit-elle gentiment. « Allez recevoir leurs ovations au foyer. Mais vous n'oublierez pas que vous êtes mon prisonnier. Vous ne reviendrez pour le dernier acte, n'est-ce pas ?» Il balbutia quelques mots d'excuse, sortit de la loge avec l'intention de quitter aussitôt le théâtre. À peine avait-il fait 6 pas dans le couloir qu'une main s'abattit sur son épaule. « Enfin, ce n'est pas malheureux, depuis le temps que je te cherche !» L'homme qui l'abordait ainsi était un de ses anciens de Saint-Cyr, le duc de Jossé-Lovrin. Lieutenant de dragon, le duc avait démissionné après son mariage avec Peg Gillespie. Le laurier héraldique des Lovrin perdait ses dernières feuilles faute d'arrosage quand la riche et jolie fille du Michigan était venue le faire reverdir sous une rosée opportune. « Mes compliments, héros. Tu as ramené des chevaux de ton Soudan, j'espère. Tu me les montreras. » Grand, petit, arabe pur sang ou race croisée. Christian de Lovrin ne s'intéressait au pays et à leur civilisation qu'en raison de leur production chevaline. Le cheval était pour lui ce que fut pour les artistes grecs la personne humaine, le canon auquel se doivent ramener toutes les œuvres de la nature et de l'homme. Arbitre des questions hippiques, longtemps paisible et glorieux dans sa royauté sur les écuries, Lovrin voyait venir une révolution inquiétante. L'engouement de ses contemporains pour l'automobilisme menaçait les situations acquises dans le monde du sport. Fallait-il donc changer de carrière, apprendre la science nouvelle, refaire laborieusement sa vie? Quand le jeune duc pensait, il pensa ce problème redoutable, et les choses ayant pour unique mesure l'importance que nous leur donnons, on peut croire que les perplexités de Christian égalaient celles de Napoléon au camp de Boulogne, lorsque l'empereur se demandait s'il devait licencier sa flotte et porter son armée sur le Danube. « Mais d'abord il faut que je te conduise chez ma femme, ordre formel de ne reparaître devant elle qu'avec toi. Nous te présenterons à une bête curieuse, le milliardaire américain. »« C'est déjà fait, j'ai passé la matinée avec lui, » répondit Tournoel d'un air pensif. Il essaya de s'excuser, de se dérober. Lovrin le prit d'autorité sous le bras. Sans laisser à son camarade le temps de se reconnaître, il le poussa dans la grande loge, les présenta aux personnes qu'il lui nommait rapidement. Elles entouraient M. Robinson, assis au centre. Moucheron exagérait à peine, le matin, lorsqu'il disait du patron que ce roi moderne faisait à l'opéra figure d'un Louis XIV au milieu de sa cour. La duchesse affichait son compatriote sensationnel avec une satisfaction bien excusable. La vieille pierre sainte mettait en valeur sa maigre fille. Elle priait cette jeune musicienne d'expliquer les intentions cachées de Wagner. Les hommes montraient à l'Américain, dans les loges et à l'orchestre, les figures parisiennes qui méritaient l'honneur de lui être désignées. L'amiral, tête majestueuse dans le cadre de ses grands favoris blancs, perché sur ses longues jambes comme un héron des grèves, affectait une rondeur familière de vieux marin. « Laissez donc, M. Robinson ne nous écoute pas. Il médite quelque opération qui étonnera le monde. »« Il y en aurait une très fructueuse à faire ici, » répondit simplement le financier. « Acheter tous ces gens ce qu'ils valent et les revendre ce qu'ils estiment. » Il refaisait sans le savoir un mot de Gavarnie. La petite Louise de Banleuse, qui poursuivait le nabab de ses agaceries, applaudit bruyamment. « La mignonne, madame de Banleuse. Elle avait conquis, elle gardait cet enviable cliché dans les comptes rendus des journaux mondains. Depuis 25 ans bientôt qu'elle tenait, les méchants disaient, qu'elle battait, le haut du pavé parisien. Très fripée, mais affriolante encore, avec son minois provoquant sous l'ébouriffement de sa tignasse à cajou, hardie ou décente suivant les exigences de la manœuvre, gaie, spirituelle, d'un esprit qui était dans chaque occasion celui qu'il y fallait, cette demi-jeune femme remplissait une haute fonction sociale. Notre cher Louison était une des 3 ou 4 personnes, obligatoires comme les grandes marques de vin de champagne, auxquelles pensaient tout d'abord les maîtresses de maison qui avaient l'honneur de composer un couvert ou une loge pour une auguste intimité. C'était la tradition de l'engager quand on voulait recréer les regards et les oreilles d'un souverain de passage, d'un grand-duc, d'un étranger illustre ou richissime. On savait que ces grands personnages, respectueux par état de toutes les traditions, demanderait en se mettant à table « Ne verrons-nous pas ce soir la mignonne, madame de Banleuse ?» Et il faut toujours répondre d'avance aux questions toujours prévues des grands personnages. On connaissait au couple Banleuse un bien patrimonial de 8 000 livres de rente. Les toilettes et le train de Louise représentaient un revenu décuple. Son mari, bel homme grave et méditatif qui ressemblait au buste de Marc Aurèle, passait pour habile en affaires. Ses intimes n'en convenaient pas. Les gens qui avaient bonne opinion de lui disaient « Cette petite femme est bien heureuse d'avoir un mari aussi apprécié dans la haute finance. » Les intimes retournaient cet éloge à la petite femme de celui qu'ils appelaient un grand nigaud. Le monde s'épargnait la peine d'approfondir un mystère lié sans doute à l'ordre éternel des choses, puisque les quinquagénaires avaient toujours vu sur cette aimable créature, luxueusement gênée, exacte quand même à son premier devoir, qui était de briller dans l'orbite des grands astres et de concourir à leurs plus nécessaires plaisirs. M. Robinson se débarrassa d'elle pour aller au-devant de Tournoël avec une intention marquée de déférence et de cordialité. Les deux hommes échangèrent quelques paroles. Le rideau se relevait pour le troisième acte. L'officier voulut prendre congé. Sur un signe impérieux de la duchesse, Lovrin fit rasseoir son camarade et lui signifia qu'il le retenait de force, du droit d'un ancien sur son melon. Dans la loge de Rose Esther, on suivait avec curiosité ses manèges. Féline dit à l'actrice « Nous pouvons faire notre deuil du sublime Africain. Voyez ces intrigantes, elles nous ont ravi notre gloire. » Rose le voyait assez. Sa jumelle ne quittait pas le point où toutes les autres, désintéressées maintenant de la loge scandaleuse, cherchaient les deux grands hommes du moment. Il lui fallut plaindre la duchesse, si les petits tubes de nacre maniés par la tragédienne avaient pu lancer du vitriol. Les lèvres minces se desserrèrent à peine pour laisser siffler ces mots. Naturellement, Madame de Lovrin l'attacherait à son fauteuil plutôt que de renoncer à cette double exhibition. Songez, deux phénomènes à produire ensemble. Elle n'est pas pour rien de son pays. Tous, il ou elle, ont dans les veines quelques gouttes du sang de Barnum. Ayant dit, elle continua d'observer des choses qui semblaient l'intéresser vivement. Le siège que Lovrin venait d'avancer à son ami se trouvait à côté, un peu en arrière de celui qu'occupait dans le coin Madame Fianona. Cette dame ne s'était pas mêlée à la conversation pendant l'entracte. Elle feuilletait le livret qui donne la traduction du poème. Tournoël pria le duc de le nommer à la seule personne qu'il n'eût pas encore saluée. Elle se retourna à demi, sourit, dit au jeune homme « Mais je vous connais, monsieur. Vous ne vous rappelez pas, à Sospel, il y a 7 ans, la voyageuse à qui vous avez apporté à boire. » Interloqué d'abord, il laissa paraître un étonnement assez gauche, regarda plus attentivement sa voisine. Sospel, 7 ans. La mémoire lui revint. Oui, son bataillon de chasseurs était alors en garnison à Villefranche-sur-Mer. Le sous-lieutenant dirigeait dans la montagne une reconnaissance de frontières. Des voitures de Nice amenèrent une société de touristes près du campement. Une toute jeune femme en descendit, lui adressa la parole avec un accent étranger. « Monsieur, j'ai bien soif. Voudriez-vous me dire s'il y a une source près d'ici ?» Il envoya un de ses hommes chercher de l'eau fraîche à la BVRA, offrit galamment le bidon du soldat en s'excusant de ne pas avoir mieux. L'étrangère porta la tasse de fer à ses lèvres, fit le geste de prendre sa bourse pour rémunérer l'homme de corvée, se ravisa, détacha de son corsage une touffe de rose des Alpes, la déposa dans le bidon où elle avait bu. « C'est avec cette monnaie, n'est-ce pas ?» qu'une femme paye un service à un soldat français. Elle sourit à l'officier, salua et repartit. Il avait gardé jusqu'au lendemain le bouquet et aussi le souvenir de la fugitive apparition de la voix musicale. Il avait essayé vainement de se remémorer le regard insaisissable, un regard singulier qui semblait passer au-dessus de lui tout en l'interrogeant, comme pour chercher plus loin la chose souhaitée. Puis l'impression d'un instant s'était envolée avec les pâles corolles que le vent des Alpes arrachait des sombres tiges. Quelle surprenante fidélité de la mémoire chez cette femme, pensa Tournoël, et il l'examinait à la dérobée. Insignifiante, avait dit Féline. Peut-être, de loin et pour un œil distrait, mais c'était bien le dernier mot dont se fut avisé un peintre attentif à déchiffrer l'énigme des visages. Celui de Madame Fianona rappelait, comme une sœur rappelle son jeune frère, le Saint-Sébastien de Giovanni Bellini dans le tableau du maître vénitien qu'on voit au Louvre, la Vierge entre Saint-Pierre et Saint-Sébastien. À quoi rêve-t-il auprès de la Madone, cet éphèbe? Où est sa pensée? Très repliée au-dedans de lui ou très loin dans l'espace? L'un et l'autre, semble-t-il, à qui la cherche dans les yeux, d'une nuance indéfinissable. Goutte d'or liquide, irradiée d'une lumière intérieure, ses prunelles disent les ravissements et les incertitudes d'un enfant qui écoute le murmure de l'infini. Elles contemplent la Vierge, vont au-delà, et l'on sent que ni la Vierge ni personne ne maîtrisera cette âme songeuse. La bouche entr'ouverte achève la signification de l'inoubliable regard. L'arc des lèvres relevé est tendu comme pour lancer les flèches de la parole. L'étonnement les retient, ou peut-être le doute. Sur cette bouche et dans ses yeux, tout exprime la défense de la vie intime contre les prestiges de la vie ambiante. Un conflit candide entre la foi amoureuse et la défiance du miracle, trop beau pour être vrai, trop lointain pour n'être pas inaccessible. De cette figure, où le vieil artiste a mis tout ce que nous savons de sa nature enthousiaste et contemplative, Madame Fianona avait l'ovale un peu lourd sous les boucles des cheveux châtains, le nez effilé, aux ailes mobiles comme celles d'un oiseau apeuré, le retroussi délicat des lèvres arquées, faites pour les sourires douloureux. Elle en avait la chaude carnation ambrée, qui se continuait sur les épaules, sur la gorge, où des perles réchauffaient leur pâle orient à la tiédeur des chairs dorées. Elle en avait partout l'expression, à cette minute, tandis qu'elle écoutait le prélude des violons avec la même bouche entr'ouverte, le même mirage lumineux dans ses yeux où passait tout l'ineffable de la musique. Ses traits modelés sur le type que les Bellini léguèrent au Giorgione, elle les tenait de sa mère, une vénitienne. Elle devait à son père, un anglais, l'accent de spiritualité qui en corrigeait la langueur, l'ombre de mélancolie où s'épurait la flamme ardente du sang italien. Élevée à Venise, l'anglais s'y était fixé pour complaire à une femme épousée par amour, la jeune Millicent avait perdu de bonne heure ses parents. Orpheline et pauvre, elle avait accepté la main d'un homme d'âge, cousin éloigné de sa mère, le commandeur Fianona. Ce diplomate la conduisit d'abord à Nice, où il dirigeait le consulat général d'Italie, et en dernier lieu à la légation de Buenos Aires. Mis prématurément à la retraite, Fianona s'était établi dans l'Argentine. Il avait acquis une propriété où il espérait refaire une fortune très compromise. Il était mort sans y avoir réussi. Éprouvée par un séjour de plusieurs années dans les Pampas et désireuse de revoir en Angleterre un oncle paternel de qui elle attendait quelque appui, la jeune veuve revenait passer une saison en Europe. Monsieur Robinson se trouvait à bord du paquebot qui la ramena. Il avait parlé d'elle à Madame de Lovrin en termes élogieux et amicaux. La duchesse était empressée d'adopter l'aimable étrangère. Elle l'initiait au plaisir de Paris. Elle comblait ce soir un vif désir de Madame Fianona, bonne musicienne, en lui donnant l'occasion d'entendre pour la première fois le drame lyrique de Wagner. Dans cette salle qui contenait tant de spectateurs de leur prochain et si peu d'auditeurs de la musique, une personne au moins s'isolait dans la jouissance passionnée de l'œuvre d'art. Indifférente à tout ce qui l'entourait, penchée sur le rebord de la loge, elle jouait d'une main distraite avec les perles soulevées sur son sein par le rythme pressé de sa respiration. Il y a dans l'attention une force contagieuse. Elle se communiquait peu à peu aux autres occupants de la loge. Le murmure des conversations cessait, dominé par les stridents « Uyotoro ». Bientôt, du haut en bas de ce théâtre, un silence général se fit, silence des âmes qui rentrent en elles-mêmes à l'appel impérieux d'un dieu. Wotan proférait sa condamnation sur la Valkyrie. Le sublime chant de colère et de pitié commençait dans un rugissement pour s'achever dans un sanglot. Il disait l'affreux chaos des sentiments confondus dans la sauvagerie divine. Fureur du Créateur contre sa créature qui le trompe, amour de père où gronde un amour d'amant, déchirement de l'éternelle séparation, jalousie exaspérée dans la prévision du bonheur qu'un autre dérobera sur ses yeux endormis. C'était l'instant où s'accomplit le miracle sans égal au monde. l'instant où l'émotion d'un poète ressuscite en des milliers de cœurs. Du temps qu'il était sur terre, ce pauvre homme avait eu, comme les autres, dans sa médiocre vie semblable aux autres, des minutes de passion, de douleur et de joie. Il en avait transcrit le retentissement intérieur en quelques mots, quelques vers, quelques notes de musique. Il est mort, tout ce qui fut de lui est aboli, un peu de poussière reprise par la terre. Son émotion survit. Le son de la cloche brisée demeure, grandit, emplit tout le ciel. La vibration de ce qui n'est plus se propage au lointain des jours. Elle rapporte en d'innombrables âmes l'enchantement ou le désespoir de cet atome anéanti. Un mot d'ordre sort de sa tombe, qui commande à tous les hommes de repleurer ses pleurs, de ressentir ce qu'il avait senti, de rallumer en eux son inextinguible amour. La passagère souffrance qu'il avait maudite devient à tout jamais un pouvoir bienfaisant. Pouvoir universel et sans limite, quand le cri de passion nous fut légué dans un chef-d'œuvre musical. Sous cette forme, ce cri se métamorphose au gré de tous ceux qui l'entendent. Le thème originel se prête à toutes les variations des sentiments divers qu'il suggestionne. Comme la mer aux mille chemins, où les mêmes flots portent chaque navire à sa destination particulière, la musique, cet autre océan, conseiller des longues fuites, porte chacun de ses auditeurs au pays où l'appelle un rêve individuel. Il en allait ainsi ce soir-là, pour la foule assemblée dans le théâtre, tandis que la vague d'harmonie montait, soulevait les âmes d'abord rebelles. Chacune d'elles cédait à la vague berceuse, se laissait dériver aux caprices de sa chimère accoutumée, sentiments, actions, regrets du passé, promesses de l'avenir. Il en allait ainsi pour le petit groupe de personnes réunies chez Madame de Lovrin. À quoi songeait M. Robinson? À son globe étoilé de drapeaux, sans doute, aux flottes que son imagination lançait sur les océans, qu'elle devançait dans tous les ports de l'univers. À quoi songeait Madame Fianona? À ses lagunes natales, aux intérêts qu'elle avait laissés dans un autre monde? Ou peut-être... Mais était-il possible qu'une de ses pensées s'attardât à ce petit rien de son passé, la tasse d'eau fraîche bue dans la montagne? Cette question, Tournoel se l'était posée, avant de s'abandonner lui-même au remous des images intérieures. Ces images se succédèrent, rapides et changeantes, avec les dispositions diverses que suggéraient les imprécations et les plaintes du dieu Wotan. Sur les champs de bataille où plane la victoire, tu n'iras plus marquer de ton doigt triomphal les héros. L'officier revoyait le mirage de ses conquêtes africaines, la place où il avait connu l'enivrement de la victoire dans les plaines du Bornou, l'empire souhaité qu'on lui ravissait, tous ses rêves de gloire lamentablement évanouis. Sous l'influence de la musique, complice de nos souffrances qu'elle traduit, il revivait les tourments, les déceptions des derniers jours. Et soudain, par la sollicitation secrète de ces deux mots qu'il avait ramenés dans le passé, à Sospel, il y a 7 ans, il revint en arrière, aux années heureuses où l'avenir lui apparaissait tout rose d'espérances vagues. Il rattachait maintenant ses espérances à la gracieuse rencontre d'un instant. L'impression fugitive qu'elle lui avait laissée, il se la figurait ce soir plus profonde et plus durable. Il la grossissait par une illusion d'après-coup. Cette illusion, les paroles qui arrivaient de la scène, contribuaient à la créer. Elle était mon désir sous sa forme visible, l'aspect que revêtait mon vouloir créateur. Était-ce donc vrai que le désir, quel qu'il soit et de quelque promesse qu'il ne leurre, alors même qu'il se croit comblé par les joies de l'action, cherche toujours sa fin dernière dans un autre objet? La parole de Wotan révélait au jeune homme ce qu'il avait souvent pressenti. Le vouloir créateur ne prend corps, il ne trouve son prolongement véritable que dans la création des jours futurs, dans la femme, inspiratrice et raison ultime des grandes actions. Gloire et succès ne seraient rien s'il n'était des moyens de se faire aimer d'elle. La femme avait tenu peu de place dans la vie de Tournoel. Quelques aventures de garnison, quelques expériences exotiques aux colonies, c'était tout ce qu'il avait accordé à ses sens. Depuis plusieurs années, une fièvre d'action et d'ambition lui dévorait le cœur. à cette heure, quand tout s'écroulait au-dedans de lui, ce cœur désarmé. Il était prêt à son insu pour implorer le tendre secours auquel aspirent les plus forts dans leur crise de faiblesse. Paris l'avait amusé d'un applaudissement flatteur. Mais la rumeur publique, est-ce une amie? Isolé dans ce Paris, il s'y défiait également des ennemis, des rivaux, des amis trop récents et trop bruyants, exploiteurs intéressés de sa disgrâce. Sa main cherchait d'instinct l'étreinte d'une main sûre et douce, d'une main consolatrice. Son regard se posa sur Madame Fianona, s'arrêta complaisamment sur ce visage transfiguré par l'émotion intime. Elle était mon désir sous sa forme visible. Pourquoi lui entrait-elle dans le cœur à cet instant la parole si pénétrante, si chargée de sens? À qui l'appliquerait-il? À cette inconnue reconnue? À cette femme au parfum de fruits mûrs? Amie ancienne, puisque d'un seul mot elle s'était blottie tout au fond des plus radieuses années dont il eut souvenance. Amie toute proche d'âme, puisqu'elle communiait avec lui dans l'extase des harmonies qu'ils entendaient ensemble pour la première fois. Il la devinait, il voulait la deviner, sa pareille, grave et timide, aumônière des consolations dont il avait soif. Le jeune homme ne se disait pas ces choses. Il eût été surpris, effrayé, si quelqu'un les lui eût dites. Mais dans les profondeurs de son être alangui par la musique, un travail rapide se faisait qui rendait ces choses possibles, plus possibles et plus tentantes, à mesure que la plainte du Dieu malheureux devenait plus poignante, plus évocatrice de mélancolie pour chacun. Nous n'irons plus tous deux, chevauchant côte à côte, par les plaines d'azur du ciel. C'était le rappel à la réalité. Non, le pauvre vaincu ne montrait pas vers les hauts bonheurs partagés. N'allait-il pas déchoir de la gloire par quoi on se fait chérir? Tout lui manquerait à la fois. Qui voudrait de lui dans sa peine humiliée? Ni celle-ci, ni personne. Et il sombrait de nouveau dans l'abîme du découragement quand éclata le cri d'infinie détresse. Ses yeux se rouvriront sous les baisers d'un autre. Il regardait à ce moment dans la direction de la loge qu'il avait quittée tout à l'heure. Il y aperçut Olivier de Féline. Il se rappela subitement, avec une sensation de froid au cœur, la voix méchante, l'insinuation brutale qu'elle avait lancée contre Madame Fianona. La gêne qu'il éprouvait à s'en souvenir, Tournoël la mit sur le compte d'un dégoût bien naturel pour l'impudence de ce fat, et la figure vulgaire de Bayonne, de l'homme qui avait démenti l'accusation, lui parut par contraste toute sympathique, digne de confiance. Mais le serrement de cœur persistait. Involontairement, ses yeux cherchèrent M. Robinson, allèrent à plusieurs reprises de l'Américain à la jeune femme. Il réagit avec humeur contre une impression pénible, autrement pénible que ses amertumes des minutes précédentes. Les derniers accords de l'orchestre expiraient dans le sifflement des flammes allumées par l'orgue. Le rideau retomba. Brusquement, et comme réveillée d'un rêve, Madame Fianona se rejeta en arrière. Toute sa personne frissonna sous les étoffes, du frisson d'un cygne qui bat des ailes en sortant d'une eau profonde. L'éventail oublié sur ses genoux glissa sous le tapis. Monsieur Robinson le vit, se baissa pour le ramasser. Tournoël devança l'Américain d'un mouvement si hâtif et si avide qu'il en eut honte à la réflexion. Son geste n'eût pas été plus impétueux s'il l'avait disputé à cet homme le titre de propriété qu'il aurait constitué maître souverain du Wadaï. On se levait dans toutes les loges. Rose Esther, debout sur le devant de la sienne, abaissa la petite lorgnette qu'elle venait de braquer une dernière fois. « Ça y est, » dit-elle sèchement. « Quoi donc ?» demandèrent les hommes qui l'entouraient. Bouclait le cid vainqueur des morts, et de sa voix de théâtre, la tragédienne déclama. Percée jusqu'au fond du cœur, d'une attente imprévue aussi bien que mortelle. « Mais que voulez-vous dire ?» répétèrent ses invités. « C'est vrai, vous les hommes, vous ne voyez rien. Et quand vous voyez, vous ne comprenez pas. Nous autres femmes, la façon dont on ramasse un éventail suffit à nous renseigner. Monsieur de Tournoël a reçu le coup de foudre, un coup de foudre américain. » Elle battit en retraite, dépitée comme un chasseur qui rentre bredouille à la maison. M. Robinson quittait la grande loge au bras de la duchesse. Le prince prenait celui de la petite banneleuse. Tournoël offrit le sien à sa voisine. Ils sortirent les derniers, descendirent lentement le grand escalier. L'officier cherchait une phrase banale pour rompre le silence. Elle ne venait pas. Trois ou quatre se présentèrent à son esprit, toutes plus bêtes les unes que les autres, pensa-t-il. Il finit par dire « Ne trouvez-vous pas, madame, que cette musique emmène très loin ?»« Oui, » répondit-elle, « chez les dieux, là où vont les morts. » « Elles y emmènent aussi les vivants, » reprit-il en souriant. « Oh, » fit-elle, « il y a parfois si peu de différence entre les vivants et les morts. » Que signifiaient ces paroles ambiguës? Soumis et craintifs, les yeux du jeune homme interrogèrent ses yeux solitaires qui le regardaient sans le voir. Il scellait le secret d'un entretien intérieur. Au bas des degrés, dans la rotonde où le reste de la société les attendait, Tournoel rencontra un autre regard, celui de M. Robinson, fixement posé sur le couple retardataire. Dans ce regard chargé de volonté, comme aux heures de la matinée où il fouillait l'âme de l'officier, celui-ci crut surprendre une lueur de satisfaction ironique. Plus que jamais, ses guetteurs clairs et durs, retraités dans les profondes orbites, faisaient songer à deux éperviers dans les cavités d'un roc. Ils cernaient d'avance leur proie sur le point de l'horizon où son vol allait faiblir, où elle s'abattrait enfin, sans défense, contre la prise de leur serre.